Numéro 166. On va vous parler d'une affaire qui est bien occulte, bien occulte. Vous n'avez pas dit à quel point. Le statut universel. Je me souviens, on était à la fin d'une conférence, puis Bernard a parlé de quelque chose comme ça, là, de bien occulte. Puis à un moment donné, Donald y arrive, puis il dit, « Moi, Bernard, je veux absolument savoir c'est quoi mon statut universel. » Bernard était fatigué, fait qu'il dit, je peux pas te le dire, mais il dit, demande à Ménard, il va aller sur le contact, il va te le dire. Puis, en tout cas, on avait placardé des bébelles, je veux pas rentrer dans le détail, c'est la vie personnelle à Donald. Mais, je me suis rappelé de ça hier, parce que j'étais en consultation avec Alexine, et puis, je parlais de sa programmation, sa carte du ciel, puis à un moment donné, je sentais qu'il était pris dans l'affaire de « je suis ma carte du ciel ». Puis, ce qu'on parlait dans le temps avec Bernard, puis Donald, puis Kit, c'est que ce qu'on est ici, c'est pas ce qu'on est, c'est plein. C'est-à-dire que notre double, c'est complètement différent de notre rôle qu'on joue au point de vue planétaire. Et puis que, tu sais, comme Bernard disait tout le temps, il dit « moi, je suis un des régents planétaires ». Puis il dit, c'est bien important, le travail que je fais, c'est plan, mais il cite matériellement, je t'inticule comparé à ce que je suis, c'est plan, puis etc. Bon, vous avez un rôle ici qui peut être lié à ce que vous appelez votre travail, votre profession, votre personnalité sociale. Et puis ça, c'est juste une facette, un peu comme, c'est un prête-nom de votre double ici. Vous êtes d'autres choses ailleurs. Puis là, d'autres choses ailleurs, ils se promènent d'un corps à l'autre, d'une incarnation à l'autre, avec des fonctions différentes, mais avec un mandat universel qui est spécifique à votre double, que dans tous les corps que vous allez avoir, peu importe l'incarnation, vous allez avoir ce rôle cosmique-là qui va se manifester ou s'exécuter dans votre programmation astrale. Je ne sais pas si vous me suivez, là. J'aimerais que vous me suiviez, parce que c'est vraiment différent ce que vous êtes ailleurs de ce que vous êtes à faire ici. Fait qu'ici, tu peux être dans une vie de mendiant, je vous donne ça comme exemple, et puis avoir un rôle très important où, je sais pas, vous allez sauver la vie d'un individu qui va protéger la planète par des raisons d'ordre scientifique, à cause de sa position politique ou n'importe quoi. Puis si vous aviez pas passé dans cette vie, il n'aurait pas pu faire sa fonction. OK? Bon. Aussi banal que ça. Fait que ce que vous considérez de votre vie banale, si on le regarde d'un point de vue cosmique, votre position, votre vie cosmique peut avoir infiniment plus d'importance, si vous regardez ça en termes d'avoir de l'importance, que ce que votre vie matérielle peut représenter. Donc, en d'autres termes, ce que je veux vous expliquer, c'est que votre vie matérielle, c'est une espèce de placebo de votre expression universelle. Puis que si vous vous identifiez à votre programmation, ben vous êtes toutes des trous de cul. OK? Vous avez tout un aspect de vie qui est banal, qui est très banal. Banal là, au point d'imaginer que vous êtes rien sur la planète. Peu importe le titre que vous avez, vous êtes rien. Parce que votre vie, c'est au gros max 80 ans, 90 ans, alors que votre position, votre mandat universel, il est sur des milliers d'années. OK? Donc, ce que vous êtes, c'est plein, c'est éternel, puis ce que vous êtes en matière, c'est mortel. Donc, mortel, pas dans le sens que vous êtes empoisonnant, là. Mais c'est mortel. Dans le sens, vous allez mourir. Point final. Vous avez une date d'expiration. Mais la machine qui fabrique le lait, mettons, qu'on va parler de quelque chose qui expire, ou le beurre, peu importe. Mais ce qui le crée est éternel, mais le produit qui se manifeste par l'incarnation, lui, il est pas permanent. Il est simplement passager. Mais il a passé par la machine qui crée la condition. Fait que vous êtes des créatures d'un créateur, puis le créateur, c'est vous autres exprimés par une créature. Vous suivez? Fait que, qu'est-ce qui est important dans votre vie? Votre rôle matériel ou votre rôle cosmique? Vous allez dire, naturellement, étant donné que vous avez été plongé dans une quelconque forme d'ésotérisme dans votre vie, vous allez dire, c'est notre rôle cosmique. Oui, mais le problème, c'est que ce que vous connaissez, c'est votre rôle matériel. Puis vous ne le connaissez pas, votre rôle cosmique. Ça fait un problème, là, parce que vous allez donner de l'importance à ce qui est palpable, à ce qui est lié à quoi? À de la connaissance, à votre mémoire, à des actes que vous posez, puis qui sont pas nécessairement valorisés par votre environnement. Mais si vous êtes conscient de votre être cosmique, vous n'avez pas vraiment besoin d'une valorisation de votre environnement. Mais ça, c'est conditionnel à ce que vous soyez conscient de votre source. Qui est vous autres? Votre source, c'est vous autres. Puis le corps, lui, c'est juste un linge que vous mettez sur votre cosmicité. Je sais que c'est occulte, là. Je m'attends pas à ce que vous compreniez dans certains... Vous allez marcher 2 pouces dans les airs. Non. Je sais que vous allez vouloir vous garder 2 pieds à terre. Pas de trouble avec ça. Mais il fallait que je fasse une conférence, puis je savais pas sur quoi parler de ça, puis... J'ai repassé ma consultation hier, je dis, ouais, c'est vrai que ça donne des chocs aux gens quand on leur parle de leur personnalité, de leur programmation astrologique. Les gens font tout le temps un spin là-dessus parce qu'ils s'identifient à ça. Vous avez tendance à vous identifier, ce que je disais à Alexis un peu midi quand elle m'a parlé au téléphone. J'ai dit, c'est drôle, le monde s'identifie au chemin qu'ils font plutôt qu'au fait qu'ils marchent dans le chemin. On va dire, tu t'en vas à Québec, où ton plan de vie, c'est comme un chemin Montréal-Québec. Tu sais, c'est un plan de vie, ça le dit, un plan. C'est pas la vie qu'on te parle, on parle du plan de vie. Bon, OK, on va dire, bon, ben, t'as une programmation pour vivre telle affaire. Puis au début, bon, j'y crois pas plus qu'il faut, parce que t'es jeune, puis c'est comme moi quand j'étais petit gars, puis que je regardais dans ma carte Uranus en maison 7, des divorces à répétition, ça se peut pas. Puis moi, j'étais une nature fiable, fidèle, c'est le problème, quand t'es à deux, c'est que t'es à deux, hein, tu sais, il y a toi qui peut être fidèle, puis l'autre qui l'est pas. C'est comme j'avais pas pris ça en compte dans l'équation, je me disais, moi, si je suis fidèle, ça va être stable. Et non, ça marche pas de même. Fait que la dynamique est que le plan de vie, c'est ce qu'on te met comme, on va dire ça, comme avantage et obstacle. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, on te donne certaines habilités ou dans le parcours, ben, tu développes des habilités, tu ramasses des affaires à terre, puis tu peux te battre avec ça, tu peux faire face aux tests, aux combats qui sont confrontés dans le parcours de ton jeu. Mais toi, quand t'es en arrière de la machine, là, tu fais juste voir qu'est-ce qu'il y a à faire, mais on te présente des obstacles, mais tu t'identifies pas à l'obstacle, tu t'identifies pas en tant que personne au jeu en question. Tu vas dire, bon, ben j'ai joué à ce jeu-là, puis là, j'embarque, c'est un autre jeu, ça, c'est un jeu de tir, puis l'autre, c'est un jeu d'intrigue, puis l'autre, c'est un autre jeu. Bon, ben c'est comme tu te réincarnes d'un jeu à l'autre, tu passes d'un jeu... Tu dis, ah, ça, il fallait que j'ai plus ou moins de talent là. Là, ah, ça, c'est un jeu que j'aime bien, ça va avec mon caractère, puis, etc. Bon, mais l'esprit, c'est un peu ça. Il habite des corps, puis le corps, avec son plan de vie, c'est un jeu vidéo. Ça se comprend, ça? Bon, tu peux pas t'identifier au jeu parce qu'il est temporaire. Tu peux dire, c'est ça, dans ce jeu-là, je joue de telle ou telle façon. Et puis j'ai tel type d'obstacle, puis j'ai tel type de solution pour les obstacles que je rencontre. Puis là, tu rencontres d'autres gens, comme quand tu vas jouer en, comment qu'ils appellent ça, en les médias sociaux, là, tu vas jouer comme en équipe avec d'autres. En quoi? En communauté. En communauté, tout ça, là. Puis tu développes des habilités parce qu'un te dit, hey, essaye ça de même, puis papa. Ben, c'est la même vie dans un système de jeu, que les vies qu'on vit quand on s'incarne d'une vie à l'autre. Bon, à un moment donné, tu t'incarnes dans une vie de femme, à un autre moment donné, tu t'incarnes dans une vie d'homme, à un autre moment donné, t'es infirme, puis à un autre moment donné, ben, t'as des habiletés extraordinaires pour faire des sports extrêmes, puis t'explores différents états, parce qu'en réalité, c'est juste des états qu'on visite dans une vie. On regarde le corps qu'on a, on va vivre des sensations, on va vivre des prises de conscience, on va vivre à travers certaines habiletés, certains blocages, puis on va dire, bon, ben comment qu'on règle ça? Comment qu'on peut vivre si on a une vie où on est emprisonné la moitié de notre vie, tu sais? T'es pris dans une prison, là, puis pendant 50 ans, là, t'es pris en prison, puis pourquoi tu mourrais pas, tu sais? Puis pourquoi tu veux pas mourir? Parce que, tu sais, tant qu'à être à 50 ans en prison, tu te peux dire que t'es mort. Non, il y a des gens qui vont faire 50 ans en prison. Bon, c'est quoi la game? Mais la game, c'est l'état que tu vas vivre là-dedans. Pourquoi tu veux pas mourir? C'est parce que ton esprit te garde en vie. C'est ton corps qui meurt pas. Puis tu meurs pas, pourquoi? Pour aller vibrer une exploration ou une expérience d'un état. Vous me suivez? Il y a des gens qui disent, ah, t'es fait fort, mais non, pas fait fort, moi, là. J'ai juste des tests à passer, puis pour moi, un test, c'est après un autre test, puis après un autre test, puis à un moment donné, il y a des tests que, moi, m'arrêter là, je vais dire, wow, c'est assez, là. Moi, si je peux pas vivre ça, je vais m'en crever. Quand on est diabétique, faut manger de la glace. Donc, ce que je base, entre guillemets, ma vie, moi, base ma vie sur le fait que je me sais supérieur à la vie matérielle que je vis. Pas bien compliqué. Si je suis supérieur à la vie matérielle que j'ai, c'est comme grosso modo, je traîne mon corps dans des expériences. Et puis, écoute, dans une autre vie, j'étais en Espagne, puis j'étais docteur, j'étais médecin. Ici, j'arrive au Québec, puis je suis médecin de l'âme. Fait que je rencontre des gens qui ont des problèmes d'âme, donc ils ont besoin... C'est comme, dans le fond, mon père était mécanicien quand il a commencé, il était jeune. Il réparait des autos. Il réparait la mobilité des gens avec un véhicule matériel. Fait que j'ai été dans une famille où un gars qui réparait des autos, qui est devenu vendeur d'autos, comme moi, je vends des concepts de vie, puis des compréhensions de la vie, puis ces choses-là. Puis j'ai été mécanicien d'auto, donc de capacité d'être mobile dans la vie, pour les femmes surtout, qui à l'époque, moi quand j'ai commencé, c'était dans les années 70, les femmes, là, j'ai dit que ça allait pas trop bien dans la société, tu sais, ils voulaient avoir de la mobilité. Aujourd'hui, les jeunes, on les regarde aller, ils sont mobiles, les petites filles. Mais à mon époque, là, 69, 70, là, les femmes, là, sortir dehors, puis se libérer de l'humilité, puis être capable d'avoir, comme ma mère, avoir une job à l'extérieur, elle pensait même pas à ça, c'était pas dans leur mœurs à l'époque. Donc, donner de la mobilité à des gens qui n'en avaient pas, c'était comme apprendre à un infirme à marcher, ni plus ni moins. Puis, j'ai atterri dans une famille qui était déjà, mon père, en tout cas, au niveau travail, était là pour donner aux gens des véhicules, des moyens de se déplacer, se créer une mobilité. Puis moi, ben, j'ai fait mon frère a fait ça, a vendu des véhicules. Puis moi, j'ai vendu des véhicules, mais à caractère mental, psychique, parce que mon statut universel est plus élevé que les deux autres membres de la famille. Mais on faisait un job qui était parallèle. Mais sur un plan psychique, c'est parallèle, mais sur un plan matériel, c'est très, très différencié, là, parce que c'est pas les mêmes études, c'est pas les mêmes observations, c'est pas les mêmes talents, dans ce sens-là. Évidemment, si j'ai un statut universel qui suppose une supériorité à ma programmation d'âme, puis que j'en suis conscient, j'ai pas de problème de personnalité publique, comme ben du monde non, parce qu'eux autres, s'ils ont pas de titre dans la société, ils sont totalement dysfonctionnels. Fait qu'une personne va te demander, c'est quoi avoir de l'identité? Avoir de l'identité, là, à mon niveau, à moi, c'est pas me questionner sur la valeur que j'ai dans mes rapports avec les autres. OK? Ça, c'est pour moi, c'est ça. Là. Moi, le fait que je me questionne pas sur la valeur que j'ai avec les autres, c'est simplement le fait que je suis infiniment supérieur à toute forme de corporalité humaine. Fait que si tu me dirais, t'as pas de complexe, ben, si on le regarde d'un point de vue rapport humain, non, j'en ai pas trop, effectivement. Mais j'ai déjà été exposé à penser à travers de l'âme. Et si j'ai pensé à travers de l'âme, oui, je me sentais ticu par rapport à quelqu'un qui avait, exemple, plus d'argent que moi. Mais d'un point de vue universel, d'un point de vue statut cosmique, je sais que tous les gens sont liés entre eux autres et qu'on se doit de se rendre service mutuellement, peu importe la façon que ça se passe. OK? Si je rencontre un gars qui est dans la mafia, lui, il gère des basses vibrations, puis c'est comme le joueur de bass dans un orchestre. Enlève donc la bass, toi, d'un orchestre, là. T'es pépère en maudit, la musique, c'est juste des petites flûtes indiennes. Mais les gens spirituels, c'est de la petite flûte indienne, puis un petit coup de flûte, après un gros coup de bass. C'est cute, tu sais, ça sonne bien, là. Un gros basson, là, ou une violoncelle, ou n'importe quoi dans un orchestre, t'as besoin de cette vibes-là. Mais dans mon monde cosmique, tout est vibratoire. Mais vibratoire, c'est du monde, ça, là. C'est du monde qui vibre telle vibration, ben l'autre vibre telle vibration, ta-da-da-da. Écoute, j'ai rencontré un tueur à gage, puis il m'a laissé une phrase que je vais m'en souvenir toute ma vie. Un chat, c'est un tube digestif. Il m'a flashé l'imaginaire. Je me souviens, il m'avait mis à la baisse. Et puis, il dit, c'est Dan, il dit, oublie pas, un chat, c'est un tube digestif. Puis, il m'a regardé dans les yeux, comme c'était un loup, le gars, les yeux gris, gris, blanc, là. Le tueur à gage. Tu sais, un vrai, là, qui fait des films, là, puis qui est convaincant, juste à le regarder. Il m'a dit, tu sais, j'en oublie pas, il disait, c'est un tube digestif. Ben, il m'a envoyé une vibration, puis c'est ça que j'ai ramassé. C'est son message à lui dans ma vie, tu sais. Puis quand on sait à quel point ça compte les choses dans ma vie, c'est comme, fuck, il m'a flashé le coco, tu sais, comme un autre Bernard, tu sais, gros minot, le foire, on l'a quand on l'a pas. Tu sais, c'est un autre genre de flash, là. Il y a des gens comme ça qui vous donnent des phrases clés, là, puis c'est... C'est comme, t'es marqué à vie par ça. Parce que c'est des vibrations qui te passent. Mais si tu portes pas de jugement dans le sens humain du terme, mais que tu le regardes d'un point de vue cosmique, ça fait partie de la réalité. Tu sais, y a bien des femmes qui conduisent des autos, puis ils se préoccupent pas de la mécanique. Mais quand ça casse, cette affaire-là, tu vas voir un gars qui est peut-être pas cultivé dans le sens qu'il n'a pas suivi des cours en sociopolitique. Mais, m'a dit, c'est drôlement plus pratique qu'un gars qui répare ton système d'exhaust ou qui répare tes breaks ou n'importe quoi, qu'un gars qui va te faire un petit discours sociopolitique, tu t'en foutu, tu penses? Donc, t'apprends à vivre quand t'es cosmique, tu t'apprends à vivre au-delà de la matérialité, ça t'empêche pas d'être matériel, mais ça t'empêche de prendre trop au sérieux la matérialité. Ça devient comme, t'as des problèmes, c'est pas pire que la mort. La mort, c'est... T'en auras plus de problèmes. Si t'as des problèmes de finances, crève, que t'as pas, là, c'est de l'autre bord, là, c'est l'étiquette est gratis. Là, tu vas y aller, puis tu vas passer à un autre niveau, puis un autre corps, puis tu veux dire, ils te fournissent un peu de main, là, ça coûte rien. Tu sais. Okay, ça va coûter une fois que t'es né. Avant ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est deux perceptions. Puis les gens vont me dire, quand est-ce que t'as de l'identité? Ben, c'est quand t'es capable de pogner la perception cosmique. Là, tu peux parler de ta identité. Avant ça, t'es tout dans le jeu de la personnalité, de l'image de soi, puis de la valeur qu'on a aux autres. Moi, tu me demanderais, comment tu fais pour jouer avec le mental des gens? Ben, je joue avec le besoin d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la valeur, d'avoir de l'autorité. Je joue avec ça. Je ne fais que ça, jouer avec ça. Mais je sais très bien que je joue. Hein. Je suis comme au Nintendo, puis je joue avec mes manettes. Puis, ouais, puis lui, il a besoin de se sentir plus sexuel. Bon, OK, t'es beau, mon Dieu, tu donnes faim. Oh, tu m'empêches de respirer. Puis là, tu joues avec sa tête, puis elle pogne là-dedans, là, puis ah ouais donc, puis le gars, tu vas faire du cash, man. M'a te montré à la bourse, check B, là. Tu vas pouvoir faire du cash, là. C'est, wow, gars, juste cette nuit, là, j'ai fait 3 984 $. Yes! Puis j'ai dormi pendant que je faisais ça. Avec tout, tu peux faire pareil, probablement plus, parce que tu vas t'occuper plus du computer que moi. Puis là, tu joues avec sa tête encore. Tu joues avec sa tête, puis sa tête. Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte dans votre sacrement de vie, ça, au montage, je le laisse, là, c'est que dans votre sacrement de vie, tout ce qui passe d'important, c'est ce que vous vibrez. Hey, vous allez tout crever. Penses-tu, que tu fais un million ou que t'as une bisoune, si, pis ah ouais, donc, que ça va compter, rendu de l'autre bord, toi, oublie ça. T'es un gars, un shifter, la fille, la swing, ah ouais, donc, ça va danser. Écoute bien, là, j'en ai vu des pitounes, là, pis c'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles. Avec la, séduction. Tu veux juste être la tête du gars ou le cul du gars? Qu'est-ce que tu vas avoir, là? La tête ou le cul? S'il signe un chèque, là, c'est pas avec sa queue, c'est avec sa tête. OK? S'il s'occupe de toi, là, puis qu'il s'engage avec toi, c'est avec sa tête, pas avec sa queue. Sa queue, il n'y a aucun engagement avec ça. Fait qu'une femme va dire, ben, moi, j'aimerais ça qu'il me prenne en charge. Ben, ouais, te prendre en charge. Au fond, tu donnes quelque chose en échange, tu pites, là. Tu sais, il n'y a pas de gars qui prenne en charge pour rien. Regarde les jeunes aujourd'hui. Le gars, il n'est pas sûr. Penses-tu qu'il s'engage, tu voyons, là? La fille va dire, ben, ouais, ma gars, je suis cute. Ben, ouais, t'es cute. Puis moi aussi, je suis cute. Mon corps puis ton corps, ça s'équivaut, là. Et si toi, tu viens dans mon lit, puis moi, je viens dans ton lit, c'est-tu le lit qui est important ou c'est nous deux dans ce qui se passe? C'est qu'est-ce que tu vibres qui est important? Fait que ça revient tout le temps à des perceptions de personnalité. Mais quand tu es dans des perceptions d'esprit, c'est qu'est-ce que je fais dans ta vie puis qu'est-ce que tu fais dans ma vie? C'est ça, la game est là. C'est dans l'autorité de l'échange, là. Dans un échange, il y a une autorité par l'événement. Fait que si tu regardes les événements, ben, t'es plus dans l'affaire de qu'est-ce que t'as l'air pis qu'est-ce que tu vaux. T'es dans l'affaire de qu'est-ce que ça fait. On s'entend-tu que qu'est-ce que ça fait, c'est la seule chose qui va compter quand tu vas être l'autre bord? Parce que l'autre bord, c'est une somme d'actes, d'événements. Par la combinaison de des échanges avec les gens que tu vas rencontrer au courant de ta vie. C'est juste ça qui compte. Alors là, on peut commencer à parler de statut cosmique, de statut universel, puis de 50 cossins du genre. Pourquoi? Parce que ça, tu vas traîner ça d'une vie à l'autre. Moi, quand j'avais été voir le film Assassin's Creed, puis que j'ai vu tout le monde espagnol, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, même là, encore les sentiments. Puis ce sentiment-là, il venait de l'âme que j'ai vécue dans ce temps-là. Je sais pas tout ce que j'ai vécu là, mais je te dis que ça a dû être heavy metal. Parce que c'est comme le langage espagnol, tout l'univers espagnol, ça me rentre dans le corps, c'est terrible. Ça a été très souffrant cette période-là. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que vous traînez d'une vie à l'autre, c'est pas nécessairement... Voyons donc, câlisse, c'est quoi cette affaire-là? On va le laisser sur le tape, trop bon, ça. Avec les gens vont vibrer, pom, pom, pom, pom, des vraies cloches, bédéine. Ah, si. Puis vous, quand vous avez des états de même, là, votre respiration est bien importante. C'est à travers votre respiration que vous allez vous rebalancer. Oubliez jamais ça, là. Quand on vit au monde, on respire, puis c'est là qu'il y a votre heure de naissance. Votre heure de naissance, c'est dans le respire. Tout le jeu de l'âme est dans la respiration. Bien important, la respiration. On vous empêche de respirer, comme Bernard, il a été 7 ans pendant le temps où il avait de la misère à respirer, puis qu'ils ont magané l'âme, là, à l'os. Puis il en est mort après, parce qu'il n'a pas eu de cancer, il avait tellement affaibli. Mais la respiration, c'est tout le moyen chez l'individu de rebalancer son âme. Fait que il y a des aspects de votre vie passée que vous avez aucun souvenir parce que c'est pas dans votre ADN d'aujourd'hui. C'est dans un film que j'ai bien aimé, c'était justement Assassin's Creed, parce que il faisait voyager dans le passé, dans l'âme, donc dans les réincarnations, à partir de l'ADN. Fait que le gars avait quoi dans l'ADN qui pouvait faire remonter 500 ans en arrière. T'es hallucinant, j'ai bien aimé le film là-dessus pour ça. Mais en tout cas, dans mon cas, moi, l'Espagne, ça m'a marqué énormément. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a un état vibratoire que j'ai été vivre là-dedans, qui a eu des graves, pas conséquences négatives, mais qui a marqué ma vie à ce moment-là. Ils me disent que c'est là que j'ai passé au cap d'être initié. Puis il y a des vies qui vont avoir des marques dans votre vie qui vont vous transférer à un climat d'initié là, comme tel. Comme lui, là, puis elle, là, le sud, là, c'est une grosse marche pour l'initiation, dans l'initiation, de lui développement de la contenance mentale. Claude, il a été chercher une contenance mentale à Haïti. Hélène, je ne sais pas, j'ai jamais jasé avec tellement. Mais lui, c'est sûr qu'il a été développé une contenance mentale à cette époque-là, qui va traîner dans d'autres vies, qui va avoir beaucoup de saveur, d'autorité, puis d'impact dans ses vies à partir de ça. Moi, dans mon cas, ça a l'air que c'est l'Espagne là, qui a eu cet impact-là. Puis je suis sûr que si j'irais apprendre une langue, avant d'apprendre l'anglais, j'allais apprendre l'espagnol. Comique, hein? Quand j'étais avec Dodo, elle a été apprendre l'espagnol, parce qu'elle avait l'italien un petit peu, puis elle a dit « Non, elle dit, je vais apprendre l'espagnol », puis elle était apprendre l'espagnol. Puis c'est là, apparemment, Bernard nous avait dit ça, on s'était rencontrés en Espagne, parce que moi, j'étais médecin, puis elle était infirmière en Espagne. Puis la connexion s'était faite là. Donc, c'est intéressant, ça, parce que dans votre mandat cosmique, dans votre statut universel, vous vous trempez dans des corps qui ont des marques plus ou moins grandes. Le Japon, moi, dans mon cas, c'était le samouraï. En Russie, j'étais fils de tsar. Je suis mort à cheval. Pour ça, j'ai peur des choses et d'enfer. Puis, toutes sortes de dynamiques comme ça que vous pouvez identifier que la vie n'est pas importante. Ma vie de fils de tsar n'a pas d'importance. Ma vie de docteur espagnol n'a pas d'importance. Mais les événements qui se sont passés. Moi, ce que je retiens du cheval, c'est la chute. Moi, je vois un cheval, puis je me vois tomber avec. Je me vois embarquer sur le cheval, puis tomber. Fait que c'est resté, ça, dans ma tête. Donc, c'est resté dans la vibration. Fait que vous avez des états de conscience qui viennent de d'autres vies. Il y a des tests que vous n'avez pas passés, que vous êtes obligé de repasser dans votre vie. Puis moi, ce que j'ai ramassé de l'Espagne, c'est d'avoir vu mourir beaucoup de gens. Et voilà. Le fun de la respiration. Retenez-la, celle-là. Vous pouvez voyager dans votre passé, mais attachez-vous jamais à la forme de votre passé. Donnez pas d'importance à l'impression, mais regardez l'impact que ça a dans la vibration. Puis c'est la vibration que vous avez gardée d'une vie à l'autre. Dans cette vie-ci, ce que je vais garder de cette vie-ci, c'est la capacité de garder la vie dans l'obstacle. De toujours transférer la perception de l'obstacle qui est comme fatal à une perception de l'obstacle qui est temporaire. Je vais tout le temps vous emmener à une lecture. Voyons, calice, vous allez vous me lâcher ici. Une lecture d'impossible à une... Voyons, calice! La colère est bien importante, ça. Est-ce que vous soyez capable de jamais imaginer que c'est impossible? Jamais, jamais imaginer que c'est impossible. Hey, il est à Haïti. 5 ans, 6 ans. Il n'y a personne qui est tombé malade là-bas. La vibration était plus forte que l'obstacle qui était là-bas. Puis elle se dit que c'était tough là-bas. Là. C'était tellement... Moi, j'ai pas vécu ça. Là. Puis la capacité de... C'est comme un sentiment d'invincibilité avec une vibration que vous avez pas avec l'émotion. Les tabernacles d'émotions de calice, ça va toujours vous mettre à terre, c'est-à-dire. Parce que c'est polarisé de l'émotion. Une vibration, c'est centrique, c'est balancé, c'est autoritaire, c'est colérique. Il n'y a pas de rage là-dedans. Il y a simplement de la puissance. Votre hostie de colère, il faut qu'elle sorte. Pourquoi j'ai emmené du monde à aller tirer Chris avec la carabine, cette affaire-là? Pour qu'il puisse exprimer le cœur. Puis dans la colère, vous avez la puissance qui vient ces choses. C'est pas la balle qui est puissante, c'est l'état que vous avez de la contrôler. J'ai vu du monde comme, je pense à Madeleine, là, c'est-tu qui a vécu de la haine, tout ça, 6 mois de vie. T'as sorti ta crise de colère, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance sous-jacent à sa vie. Si tu viens au monde, si tu es infime, tabarnak, il faut que tu vives ta calice de colère. Moi, j'ai jamais eu, comment je dirais ça, un jugement négatif vis-à-vis de sa haine. Si elle haïssait, tabarnak, ça n'avait pas d'allure à y de même. Mais Christ, viens au monde, si tu es handicapé, sacrement, si t'es de la haine, il y en a, tabarnak, tu peux pas dire qu'il n'y en a pas. T'es pauvre, si, il y a de la haine là-dedans, là. Tu peux pas vivre ça, c'est dégueulasse. Fait que tu veux vivre une puissance, tu veux pas vivre une impuissance. Puis cette autorité-là, il faut que vous alliez la chercher. La respiration, c'est important. La colère, c'est important. Puis la capacité de jamais sentir un blocage, une impuissance absolue. Il n'y en a pas de puissance, d'impuissance absolue. Quand vous crevez, tabarnak, il n'y a plus personne qui a autorité sur vous autres. Vous êtes morts! C'est fini! Celui qui vous domine, il disparaît de votre carte, calvaire. Là, vous êtes sur un autre plan, puis sur l'autre plan, vous êtes crissement plus fort que vous l'êtes dans votre 6 mois de personnalité d'imbécile. Parce que dans votre personnalité d'imbécile, là, vous avez tout le temps des manigances, des croyances. C'est pas compliqué. Quand Bernard disait « faut pas croire », pas croire, là, ça vous absout de tous les péchés, de toutes les impressions spirituelles, religieuses, croire, c'est la pire des maladies qui n'a pas été donnée à l'être humain parce que tu le coupes de sa puissance. Tu l'amènes tu l'amènes dans un esti de flou où il ne se sait pas, il ne se vibre pas, il se sait pas. Ça ne sait pas savoir, c'est pas se sentir, Christ. Quand tu te sens, là, tu peux te récupérer n'importe quand. Moi, des fois, je suis brûlé. Là, si j'arrive chez nous, la route, là, quand tu vois plus tard, là, comme moi, là, si conduire, là, si il fait noir, c'est comme un miracle à chaque fois que je prends le chemin aujourd'hui. Alors qu'avant, je roulais à 250, 280, 300 km/h, c'est bon, j'ai déjà fait à un moment donné. Pfff, pas de trouble, tu vois clair. Tu vois clair. Tu sais que 300 km, ça te prend 1 km arrêté. T'as besoin d'un kilomètre mettre les breaks puis t'arrêter, là. Arrêter. 1 km! Faut pas que tu te fourres, hein? Ça s'appelle... Faut que tu connaisses tes distances. Mais ça, t'as ça quand t'es en puissance. Quand t'es pas en puissance, là, c'est l'intervention. C'est l'intervention du Saint-Esprit qui te garde en vie. Non, non. Ben, l'interprétation du Saint-Esprit, c'est l'interprétation de votre esprit. C'est quoi ça, le Saint-Esprit dans la religion? C'est votre esprit. C'est quoi le Père? Le Père, c'est le plan de l'univers. Le plan de l'univers, c'est le Père. Vous voulez savoir c'est quoi le Christ, le psy, le si? Le Christ, c'est toi le clown. Tu sais, quand on dit le petit Christ, là, mais c'est toi incarné. L'esprit, c'est ton esprit, puis le Père, c'est le plan de l'univers. C'est la règle, on va appeler ça le code légal de l'esprit. Là. Tu sais, au même titre que de l'âme, c'est légalement sous le contrôle des astres. On dit plan astral. Plan astral, c'est le plan des astres. C'est la réglementation des forces magnétiques des planètes. Puis ça, c'est le plan astral. Il y a une réglementation selon la galaxie dans laquelle tu es. Fait que dans une structure galactique X, ben, il y a certaines zones d'influence. Comme nous autres, on est affectés par Mars, Vénus, Bon, ben, quand tu as Mars, c'est le combat, Vénus, c'est la séduction, puis Identifiez-vous pas à ça. Tu sais, je regarde des gens qui ont des combinaisons de planètes difficiles, là. Il faut qu'ils s'identifient à ça. Ça s'en va nulle part, ça, là. Je disais à quelqu'un, je dis, regarde, Mars, Neptune, tu viens au monde, ici, puis je peux déjà te dire que tu vas te faire violer. Pas des farces. Il y a combien de mains puis de pères qui m'ont demandé de faire la carte du ciel de leurs enfants. Puis des fois, il y avait au moins 30-40% de la carte que je le disais pas à, je le disais pas à personne. Ben, je dis, ça va capoter bien net. Tout est marqué d'avance. Viens au monde, t'as 2 semaines. Si on te regarde les lignes de la main, saviez-vous que les lignes de la main disparaissent quand vous mourrez? Bon, en tout cas, quand tu viens au monde, on peut déjà savoir ton tracking. Après ça, vous autres, vous allez penser que vous avez du libre arbitre, puis que vous décidez, puis papa. Hey, vous êtes dans la merde. Ça, c'est perdu. Ça, c'est être perdu. Perdu, vous n'avez pas d'idée à quel point vous êtes perdu. Tout votre calice de vie est marqué jusqu'à votre mort. Puis en plus, si moi le clown, là, j'arrive, je viens faire une conférence, puis là, je parle de l'Espagne, puis ça y est, il y a tout petite vague d'incarnation qui me ramasse dans le cadran. Tu vois bien que je me souviens de rien, moi, là. Je ne pourrais même pas te décrire un bâtiment. Mais j'ai pogné quelque chose, là, dans cette vie-là, qui m'a marqué énormément, comme les Japonais, là, toute l'espèce de combat du samouraï. J'ai tout pas ramassé ça. Puis tu traînes ça d'une vie à l'autre. La peur du cheval en Russie, une autre affaire dans telle autre affaire. Vous avez toutes des marques de vos incarnations passées. Tout! Il n'y a pas un site qui n'a pas de marque de ses incarnations passées. Et voilà, t'as des airs de princesse, ouais, mais tu as déjà pensé que tu pouvais l'avoir été? Tu sais, si t'as déjà été princesse, tu sais quel genre de traitement qu'on a. Tu te rappelles-tu que t'as gelé dans un esti de château? Tu sais, t'étais en Angleterre, là, penses-tu que les châteaux, c'était chaud? Fallait que t'aies des serviteurs, nourrir le bois, puis nourrir les foyers. Il n'y a pas d'électricité dans ce temps-là. Il y a toutes sortes d'expériences là, qui sont marquées dans votre vibration, puis que vous revenez ici dans la vie, puis ça fait autorité sur votre façon d'être insécure, puis de ci ou de ça. Traîner ça d'une vie à l'autre. Comment ils appellent ça en médecine, là, quand tu vas... Tu vas voir, comme moi, j'étais à l'hôpital, ils m'ont fait un dossier médical. Bon, ben, vous avez comme un dossier d'incarnation. Passer d'une vie à l'autre avec un dossier d'incarnation. Mais vous êtes pas, vous ne connaissez pas votre dossier. Moi, si tu me dirais, c'est quoi ton dossier médical? Je sais que j'en ai un, là, parce que là, j'étais à l'hôpital. Mais si tu me dirais que c'était dedans, ben, j'ai eu le diabète, ils m'ont dit que j'avais telle affaire au poumon, puis tarara. Mais tu sais, en détail, là, non, je sais pas, aucune idée. Ben, vous autres, c'est pareil. Vous savez pas qu'est-ce qui est votre dossier karmique. Vous ne savez pas qu'est-ce que quand vous vous réincarnez, vous avez peut-être conscience vaguement de votre statut universel, mais dans le statut universel, vous habitez des corps. Si vous avez des expériences de jeux vidéo, on va appeler ça des jeux vidéo, une vie, là, X vie, c'est un jeu vidéo, telle autre vie, c'est un autre jeu vidéo. Ah, c'est ça. Tu parles d'une conférence. Après ça, les gens, ils disent, tu prépares-tu tes conférences? Es-tu malade? OK, allez-y pour les questions. Ben là, j'espère que vous n'êtes pas brassés. C'est moi qui vis ça, c'est pas vous autres. Question. Moi, je n'y ai pas, là. Y a-t-il des questions? Le statut universel, là, qui est donné à... Pas qui est donné. T'es ça... On te donne une vie, c'est pas pareil. Non, mais l'origine du statut universel sur les plans, ça part de où, ça? Bonne question. Ton esprit, puis... Ton esprit, c'est ton statut universel. OK. C'est ta fonction. C'est une, t'es une partie de l'univers qui s'incarne. OK. T'es une partie. Mais là, c'est trop occulte, puis je suis pas capable d'aller là. Moi, ma job, c'est plus d'expliquer qu'est-ce que tu vibres, où ça mène. Puis comme je vous expliquais tout à l'heure, ma fonction aujourd'hui, c'est d'être un médecin de l'âme. Donc, c'est de jamais laisser à l'âme autorité sur l'esprit. C'est ça, ma job. Ben, si je voudrais avoir plus de détails sur du cosmique, j'ai pas été... Je suis pas placé dans la vie pour m'occuper de ça. Pour moi, ça c'est de la foutue de connaissance. T'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin, c'est d'être capable d'avoir une influence sur ton environnement qui lui permet d'être intelligent. T'as pas besoin de parler de la connaissance. OK? Sinon, tu vas tomber dans le style gourouiste que t'as, là, qu'il faut que tu décolles, parce que tu cherches à être autorité en termes de valeur, de vérité. Tu n'as pas besoin de ça. Ça fonctionne, c'est un lien avec ton statut universel. Oui. Tu as la fonction de ton statut universel, effectivement. Puis c'est des éléments qui se raffinent d'une vie à l'autre. Si j'étais médecin en Espagne, médecin corporel, aujourd'hui je suis médecin de l'âme, qui est l'origine du problème corporel. Fait que quand il y a un problème dans le corps, c'est parce qu'il y a un problème dans la tête. À cette époque-là, on s'occupait pas de la tête, on s'occupait plutôt de la physicalité des choses. Comme en Atlantide, je m'occupais des rayons, de tout ce qui touche la direction des rayons, parce que c'était ça qui était le pouvoir à l'époque. Puis d'une vie à l'autre, ben ça, ça s'est placé dans des rapports de science qui n'étaient pas dans le sens de la vibration, parce qu'à l'époque, c'était des cristaux qui menaient le chaud. Puis après ça, ben, avec les années, c'est devenu le corps. Fait que la science s'est dégradée. Puis les gens ont eu, dans la dégradation de la science atlante, ben, il y a eu une perception de l'importance du corps. Puis on a donné plus d'importance à la médication puis à la santé corporelle. Puis jusqu'à aujourd'hui, on a une lecture du corps à partir des pilules, la pharmaceutique, puis ces affaires-là. Puis moi, j'étais une coche en haut de ça. C'est le préventif, là. C'est comme quand je te dis, c'est bien important que tu parles pour pas tomber malade. Bien, c'est pour tenir ton corps vibrant. Parce que quand on parle, on vibre des choses qu'on ne vibre pas quand on pense. Bien, si tu te mets à penser, tu ne feras pas vibrer le corps. Donc, tu peux peut-être avoir la tête claire, mais le corps malade. Mais si tu fais vibrer ton corps par la parole, puis que tu as un mental qui est intelligent, bien, tu vas être moins malade. Donc, ou pas malade. Parce que ton corps va vibrer ce que tu vas parler. Mais c'est pas des idées que tu vas parler. Tu sais, comme lui, il tripe sa connaissance. Toi, tu ne triperas pas sa connaissance. Tu vas triper sur la vibration. En tripant sur la vibration, triper, c'est une façon de parler. Tu vas être concentré sur la vibration plutôt que sur la connaissance. Et là, si tu es concentré sur la vibration, mais tu vas pouvoir faire vibrer ton corps, donc le garder en santé. Comprends-tu ce que je veux dire? Bon, ça, c'est la nouvelle médecine des temps à venir. La médecine va être vibratoire dans les temps futurs. Elle sera pas pilule ou chirurgie ou ces bebelles-là. Moi, je suis convaincu que mon état de, avec mes yeux puis le diabète, je peux contrôler ça mentalement. Ils me l'ont dit, ils peuvent me guérir. Donc, faut que je fasse confiance à ce qu'ils me font vibrer. Ça peut prendre du temps, mais ils vont me le faire vibrer. Anyway. Puis c'est la raison pourquoi je me ramasse là-bas puis que, à Dundee puis que je me ramasse à dormir des 14, 15, 16 heures par jour. Tu sais? M'a fait vibrer différemment, pour avoir une meilleure concentration, etc. C'est l'avenir, ça. C'est l'avenir, c'est la science mentale, donc vibratoire, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance dans une colère. Les gens vont avoir un obstacle, puis ils vont avoir comme le cri, ils vont crier, puis ils vont charger la vibration, puis ils vont changer l'événement. C'est ça l'avenir. Vous allez le sentir, man, vous allez avoir des envies de crier, puis là, ça va sortir là, comme des boulets. Là. Il y a un film là-dessus que... C'est Dune. Dune, c'est ça, Dune. Allez voir Dune. Puis il y avait une bébelle, là, puis il criait dedans, là, puis il faisait tomber des murs. Très, très, très puissant, la parole. Très puissant. La vibration, c'est l'autorité ultime d'un être humain, y compris son propre corps. Il est capable de changer ses vibrations, de changer les vibrations de son environnement juste par la parole. Mais vous ne comprenez pas encore c'est quoi une vibration. Vous autres, c'est un feeling. Mais tant que vous allez penser que c'est des émotions, vous êtes dans la marde! Dans la crise de marde! Ça crée de la confusion, l'émotion. Ça bouleverse l'émotion. Ça vous place dans un petit puis un grand, l'émotion. Tandis que de la vibration, vous êtes tout le temps dans un état mental. Puis dans l'état mental, vous avez une puissance hors du commun. Question. Est-ce que la vibration se manifeste lorsque c'est... Par l'événement. Oui. C'est l'événement qui établit la... L'impact. Tu sais, une balle, quand tu tires, elle fait un trou là, dans quelque part, dans quelque chose. Oh, ben, quand tu vibres quelque chose, il y a un événement qui se produit. Mais est-ce qu'elle est également associée à la fonction? Bien, c'est sûr que il n'y a pas de... Comment je te dirais ça? Il n'y a pas de hasard dans rien. Là. Fait que quand tu vas vibrer quelque chose, tu vas vibrer en fonction de la carabine que tu as. Considère ton corps comme une carabine. Bon, ben, quand tu vas vibrer, ton canon va être dirigé. Il va être dirigé vers un événement, il va être dirigé vers une idée. Puis c'est l'impact de ton tir qui va être l'événement. L'événement, c'est un impact de tir. Quand vous avez une pensée, c'est pas la pensée qui est importante, c'est la vibration. C'est pas la stabilité qui est importante, c'est l'impact de votre vibration. Vous autres donnez de l'importance à une vérité. Moi, je donne aucune importance à une vérité, aucune importance à la connaissance, mais je donne bien l'importance à l'événement. L'événement, pour moi, c'est la mesure de ce que tu vibres ou de ce que tu fais vibrer. Moi, ma job, c'est de faire vibrer les gens. Mais les tatas là, qui viennent chercher de la connaissance, là, ils n'ont rien compris de ce que c'est travailler au niveau mental. Aucune compréhension. Le mental, c'est un travail d'affinement. Dans le temps des Atlantes, c'était d'affiner le cristal pour qu'il y ait plus de puissance. Aujourd'hui, il n'y en a plus de cristaux. La seule chose qui reste, c'est votre corps. Votre corps, votre vibration, puis l'autorité de votre parole. Fait que c'est une gueule qui fait comme ça, là. C'est sûr que ça vibre pas fort. Hein? On s'entend-tu? Fait qu'il faut qu'il y ait une puissance. Faut qu'il y ait une puissance dans ce qu'il parle. Faut qu'il y ait une puissance dans sa communication. Faut qu'il y ait un tir juste. Faut que les balles qui partent, c'est des idées qui partent vers une action. Tu sais, moi, je te tape tout le temps sur les doigts parce que tu dis, ben beau, les idées, mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est le « qu'est-ce que tu fais avec » qui est important. Parce que mettre des balles dans une carabine, ça ne dit pas que tu vas tirer, ça. Là. Ça fait juste dire que tu es capable de tirer. Mais ça ne dit pas que tu es capable de tirer. Moi, je vous regarde comme des outils. Je vous regarde pas comme du monde en évolution. Je vous regarde comme des êtres qui ont une capacité de faire. Notre capacité, mettons, à voir la vie à partir des plans, c'est ça qu'on doit focusser absolument. C'est juste ça qu'on a à focusser. Cette lecture-là, mettons, probante, parce que l'événement dans lequel on est plongé, c'est comme un chemin, c'est comme un dessin. Puis notre capacité de lire, peut-être pas seulement la fonction, mais l'utilité créative pour ton environnement et pour toi-même. C'est ça c'est là-dessus qu'on doit focusser seulement. Un âme cherche à être important. Un esprit, son importance, c'est sa réalité. Ce qu'il y a de réel dans sa vie, là, puis qui va se perpétrer d'une vie à l'autre, c'est l'équivalent de l'importance que l'ego cherche au niveau de l'âme. L'âme, elle veut, je sais pas, c'est comme si moi je voudrais être important pour Michel. Mais ça, c'est mon âme qui réagirait. Gilles, exemple, une approbation au niveau de ses idées, c'est l'âme, ça, c'est pas l'esprit, ça. Mais la coordination entre ton esprit et ton ego, il se passe quelque chose. Bien, le fait de ne pas mourir, t'es coordonné. Le seul fait de ne pas être mort, ça veut dire que ta structure corporelle contient les différentes. On va dire que tu es nécessairement dans une vie testée. Un test, on pourrait dire que c'est une charge négative qui te demande une charge positive, donc une solution. Mm. Tu sais, moi, à chaque fois, j'apporte une solution à une personne qui me présente sa vie comme étant un problème. Bien, si j'apporte une solution, bien, je donne à son esprit avantage sur tout le jeu de temps qui peut être imposé pour qu'elle règle son problème. Mm. Tu sais, pour moi, une personne qui comprend sa vie vibratoirement, elle règle ses problèmes à coup de un par jour, puis deux par semaine. Il n'y a pas de problème pour l'esprit. Il y a juste des états qu'il faut rebalancer, c'est tout. Fait que, il n'y a pas « tu fais ça, ça va donner ça », ça ne marche pas de même. C'est « tu vibres ça, puis ça va donner ça ». C'est ce que tu vibres qui est important. Moi, Claire m'arrive, elle dit « j'ai des problèmes d'argent ». Bon, le problème d'argent, c'est un problème d'art. OK? Puis moi, j'ai dit, arrête de capoter sur le cash. Ça, c'est une lecture de l'esprit. C'est en d'autres termes, si tu vibres tes vies comme ça va se régler, ça va se régler. Mais elle, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut avoir du cash à la table. Oui, mais le cash à la table, c'est une conséquence, ça, là. La conséquence, tu l'auras pas tant que tu vas vibrer de la peur de. Ton esprit, elle veut que tu élimines la peur de. Elle est capable de doubler un compte en. J'ai fait 6000 piastres cette nuit. Je suis rentré une trade. J'ai rentré une position juste avant de me coucher en ordre conditionnel. Puis un matin, j'ai dit, ah, si, j'ai pas mis de limite. Mais oui, mais c'est parfait parce que tu as fait 79 pips de gain. Hey, tu pites. Une chance, t'as pas mis de limite. Alors, j'ai fait 4000 piastres en dormant. Là, tu vas dire, t'as-tu fait du vrai cash? J'ai pris une vraie décision. Une vraie décision, ça, un jour, ça va faire du vrai cash. Hein? Elle est capable de doubler un compte. C'est une base de 5 mois. Hein? Elle a pris une vraie décision. Relax. Si t'es capable de prendre des vraies décisions puis de doubler un compte, t'accotes n'importe quel homme d'affaires qui fait 15% par année. Fait que c'est une perception de ta vie qui est importante. C'est comment tu te lis. C'est pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'achètes. Vos vies, c'est de la vibration. Vos vies. Après ça, que vous ayez de la cohérence au niveau astral, au niveau émotionnel, au niveau santé, tant mieux pour vous autres. Mais c'est quand même pas ça que vous allez amener de l'autre bord. Ce que vous allez amener de l'autre bord, c'est vos changements vibratoires dans votre vie. C'est votre capacité d'avoir un contrôle émotionnel à 100%. Regarde l'état que j'avais tout à l'heure quand je parlais de l'Espagne. Là. Puis je sais-tu, je pourrais-tu revenir à ça? Ils disent, on pourrait. Non, non, c'est correct. Ça a servi à faire comprendre à du monde ici, que les émotions, c'est de la merde. Puis que tu perds tes moyens quand tu es dans l'émotivité. Puis que quand tu es dans une vie passée, puis dans une mémoire, tu étais dans une zone de ta vie ou de la vie, on va dire plutôt de la vie, qui était excessivement fucké. Là. Dans le temps de l'Inquisition, excuse-moi, là, c'était fucké pas mal. Les Templiers, puis les Cyprès, ça, on était dans un monde de croyances, c'était fourette. Pour ramener le monde sur la terre, il y avait la peste. Puis avec la peste, là, t'as ramené le monde sur la terre en tabarnak. Il est obligé de s'occuper de leur corps. Puis tu fais voir que les prières, ça servait pas à rien. Que t'avais beau prier tant que tu voulais, ça changeait rien. As-tu répondu à ta question? Oui, parce que ça représente que vibrer, c'est la clé. De tout. De faire le lien entre ton esprit et la matérialité. Regarde, Bernard, tu te souviens, t'es malade, le cancer, t'es rongé de partout. Puis il allait sur le stage, puis il se remettait en vie. Mm-hmm. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de lui. Il arrêtait de parler, là, puis pouf, s'écrasait. T'as été le chercher une couple de fois en avant? Mm-hmm. T'as halluciné, il pesait une tonne, puis pourtant, il pesait 90 livres sur la balance. Mm-hmm. Mais quand il parlait, là, il montait sa vibration, puis il avait donné un gars en pleine santé. Mm-hmm. Tout un message. Ça, c'était la sixième race. Ça, c'était la sixième race. Le corps n'a pas d'importance, mais il y a de l'importance comme véhicule, mais il n'y a pas plus d'importance que d'être un véhicule. Il ne faut pas donner au véhicule. Ton char, il est bien intéressant, mais tu sais très bien que tu peux le changer. Hein? Mm-hmm. Mais ton corps, c'est la même chose, tu peux le changer. Ce qui reste, qui est important, c'est le conducteur. Que le conducteur soit capable de changer de char puis d'en conduire un autre, c'est ça la clé. Que tu sois capable de changer de forme, c'est ça la clé. Être capable de générer, c'est ça ta sécurité dans la vie. C'est pas le cash que tu as dans tes poches, c'est ta capacité de générer. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir générer? Du calme. Beaucoup de calme. Être à la lecture des besoins des autres, répondre aux besoins des autres. C'est tout. Mm-hmm. T'as pas d'enfant. Ça, c'est une des grosses préoccupations des femmes qui ont refusé d'avoir des enfants. Hey, t'en veux un? Il y en a plein qui traînent dans la rue, que les parents ont mis au monde puis s'en occupent pas. Un enfant, là, j'en ai élevé un, moi, là. Puis, mon ex, que tu connais très bien, elle m'a dit, c'est pas ton gars. Hey, t'es excitant, ça, là, là. J'avais toute une décision à prendre, moi, là, je m'en occupe-tu ou je m'en occupe pas? Puis là, après ça, j'ai dit, sais-tu, un enfant, c'est ni plus ni moins qu'un être vulnérable que tu t'occupes pendant X années pour qu'il puisse fonctionner dans la vie. Est-ce que j'ai bien fait ma job, j'étais bien content, pour en prendre un autre. Pour m'en prendre un autre de 7-8 ans, là, j'aimerais mieux partir à cet âge-là, puis m'occuper de quelqu'un. Puis après ça, je regarde, je dis, j'ai assez d'enfants à m'occuper, moi, là. Maintenant, il nous appelait les enfants de la lumière. On était des spermatozoïdes. Pour lui, ça, fait que, ah, ouais, le gros occupe tout du reste, là, on va te les emmener à 5 ans, t'es-tu capable de t'en occuper? Moi, je sais pas à qui je vais transférer les jeunes adolescents, là. Tu veux-tu? Les jeunes adolescents, ça ne tente pas, là. C'est pas mon mandat. Qu'est-ce que tu connais de ton mandat, toi? Question. La colère, ça se génère-tu? Ça quoi? On peut-tu générer la colère? Générer, non. Parce que c'est pas sous, la colère, c'est pas sous le contrôle de l'âme. La colère, c'est une intensité qui vient de la vibration de l'esprit. L'esprit vibre, puis tu peux être en colère. Comme tout à l'heure, j'étais en colère. C'est pas l'âme qui peut... Je ne peux pas avoir l'autorité sur la colère. La colère, ça ne vient pas parce que je vais être en colère. L'âme, c'est l'impuissance qu'elle peut te manifester, puis toi, tu vois la rage. Quand tu es enragé, tu es jalouse, tu es dans une crise interne de mal-être, le mieux que tu peux avoir, c'est de la rage. Mais ça, c'est destructif, ça. Là, là tu te détruis. Mais quand tu es en colère, tu te restructures, tu te coordonnes, tu te remets en autorité. Mais tu n'es pas en colère contre quelqu'un. Moi, je suis jamais en colère contre quelqu'un. Je suis en colère pour me restructurer, me regarder cohérent, puis avoir une autorité sur l'événement. La colère, ça ne s'adresse pas contre quelqu'un. Ça, c'est de la rage. La colère, c'est un événement. Tu t'attaques à un événement. Daniel, as-tu différents contacts avec les plans supérieurs? Je comprends pas ta question. Mais as-tu différents... Tu sais, comme tu dis, toi, quand vous avez le contact, c'est comme ça parle, c'est... Bon. Ben, c'est ma source. Okay. Ce qui m'a mis au monde me parle. Okay, c'est toi ailleurs? Oui, c'est moi, point. C'est mon âme, c'est le ailleurs. Mon âme, c'est le passager. C'est le véhicule. Un char, tu vas le garder combien de temps? T'as pas une auto. Hein? Je regardais ton char parce qu'il était stationné sur le côté. Moi, j'allais avec mon gros Mercedes. Puis toi aussi, c'est une Mercedes. Mais c'est format prout. Oui, mini, pas mal. C'est carte de golf. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est un moyen de se déplacer, mais ça ne te représente pas, ce char-là.